إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah, le 13e hadith. Al-hadithu al-thalithu ashar. Le hadith numéro 13. Ad-dinu al-nasiha. La religion, c'est le conseil. Parfois, il y en a qui traduisent par c'est la sincérité. C'est le conseil, mais le véritable conseil, le conseil sincère. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي. D'après le compagnon Tamim al-Dari radiyallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est le conseil. Il répéta cela trois fois. Nous avons dit: envers qui, pour qui, au messager d'Allah? Il dit: envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les autorités des musulmans et envers la masse, la communauté des musulmans. Rapporté par Muslim, Abu Daoud, Ahmed et An-Nasa'i. Sahabiyu al-Hadith, le compagnon qui a rapporté le Hadith. Tamim ibn Aws ibn Kharija الداري أبو رقية صحابي مشهور مات سنة 40 من الهجرة. Donc Tamim ibn Aws ibn Kharija al-Dari Abu Ruqayya, un célèbre compagnon connu, il est mort en l'an 40 de l'Hégire. Il est aussi connu Tamim al-Dari radiyallahu anhu, car c'est lui avec des membres de sa la tribu, de sa famille, qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer l'Antéchrist. Ils ont vu l'Antéchrist et ils ont discuté avec l'Antéchrist, Ad-Dajjal. C'était avant qu'il soit musulman. Un jour, il y a une femme compagnon, si je ne me trompe pas, ça doit être Fatima bint Qais, radiallahu anha, qui rapporte qu'elle était à la maison. Et elle a entendu l'appel. Et Bilal qui appelle au rassemblement, alors que ce n'était pas un horaire de prière. Et lorsque ils sont tous venus, le prophète alayhi salam était heureux de leur faire cette annonce. Il leur a dit aux compagnons: ne vous ai-je pas parlé de Ad-Dajjal, de l'Antéchrist? Ne vous ai-je pas donné les signes de l'Antéchrist? Tamim al-Dari vient d'arriver, il vient d'embrasser l'islam avec des membres de sa famille. Et il m'a rapporté ce qu'il a vécu. Ils ont pris la mer avec leur bateau. Puis il y a eu des tempêtes et des vagues qui les ont, on va dire, ils se sont évanouis à cause de ces vagues et cette tempête, le temps qu'il y avait pendant un mois. Quand ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés face à une île. Et ils ont descendu pour aller dans cette île. Et ils ont trouvé une grotte qui était gardée par une bête qui était à l'entrée, énorme, remplie de poils. Tellement qu'elle était poilue, ils ne distinguaient pas le devant de l'arrière de la bête. Et cette bête leur a parlé. Puis elle leur a dit, entrez à l'intérieur, je résume. Le hadith long, il est dans Sahih Muslim. Pour ceux qui le recherchent, qui voudraient lire le hadith en entier. Et ils sont entrés dans la grotte. Elle leur a dit, il y a quelqu'un qui attend de vos nouvelles. Et là, ils ont vu un homme énorme qui était enchaîné les poings avec les chevilles, avec les pieds. Et il leur a posé des questions sur la région, tel endroit, y a-t-il encore un grand lac ? Il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau, telle terre, elle est encore agricole. Puis, il leur a demandé, est-ce que dans la péninsule arabique, il y a un homme qui est sorti se disant prophète ? Ils lui ont dit oui, ils sont au courant, ils ont entendu parler qu'il y a un homme qui se dit prophète à la Mecque. Et il leur a dit, suivez-le car c'est un vrai prophète. Et il leur a dit, moi je suis l'antéchrist, ça ne va pas tarder le moment où je dois sortir, et ainsi de suite. Il raconte son récit. Donc Tamim al-Dari, radiallahu anhu, avec les membres de sa famille, il remonte dans le bateau, pareil, la tempête, les vagues, ils sont évanouis pendant près d'un mois, et ils se réveillent vers chez eux, ils se retrouvent vers chez eux. Donc ils ne savent même pas où est cet endroit. C'est un endroit qui est sur terre, dans lequel est emprisonné, bloqué Ad-Dajjal jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala lui permettra de sortir pour terminer sa vie. Sur terre, les gens ne sont pas au courant de tous les endroits. D'abord, tout le temps, ils trouvent, hein, ils font des découvertes. Ils découvrent même des forêts, ils découvrent des populations qu'ils n'ont jamais vues, ils découvrent des animaux qu'ils n'ont jamais vus, des insectes. Je parle de la terre. Les océans, n'en parlons même pas. D'abord, la connaissance, elle est limitée dans la profondeur de l'océan. Après un certain moment, c'est un trou noir. Ils ne savent plus ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, il y a des petites bestioles qui peuvent sortir et ils apparaissent et ils les voient. Ils ne savent pas. Donc, c'est vrai qu'ils essaient de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, les galaxies, ainsi de suite. Mais la Terre elle-même dans laquelle on est, ils ne sont pas au courant de tout. Il ne faut pas croire que ça y est, ils savent tout. Non, il n'y a qu'Allah qui sait tout. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. À titre d'exemple aussi, un peuple aussi énorme, deux peuples, Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, ils sont sur terre. Ils ne sont pas dans une autre planète, hein. Ils sont sur terre. D'accord ? Ils ont été bloqués. Donc ils naissent, ils meurent, ils naissent, ils meurent, ils vivent jusqu'au moment où cet obstacle qui les empêche d'être en contact avec le restant de l'humanité, ils vont pouvoir l'ouvrir et se disperser sur terre, et ils sont bien plus nombreux et personne ne sait exactement leur endroit, personne ne sait et personne ne les rencontre, subhanallah, et c'est sur terre. Tayyib, et ça aussi c'est parmi les signes de la fin des temps, les deux, la sortie de Ad-Dajjal, l'antéchrist, et la sortie de Ya'juj ou Ma'juj, Gog et Magog. Gog et Magog, ce sont des peuples humains. Ce sont des humains, des enfants d'Adam. Ce sont des humains qui sortiront et qui feront des ravages sur terre à leur sortie. Dans les livres comme les signes de la fin des temps, vous trouvez leur récit. Donc, Tamim al-Dari, c'est celui qui a rapporté ce récit. C'est lui qui raconte sa rencontre avec Ad-Dajjal. Il le raconte au prophète, alayhi salatu wassalam. Il y avait un homme à Médine qu'on appelait Ibn Sayyad. On l'appelait aussi Ibn Sa'id. Et certains compagnons pensaient que c'était peut-être lui le Dajjal. Donc c'était un hébreu, parce que le Dajjal, c'est un des enfants d'Israël. Donc c'est un hébreu. D'accord ? Et il y avait des signes qui pouvaient faire croire que c'était lui le Dajjal. Et en plus de cela, il n'était pas comme tout le monde. Il avait comme des insufflations qui lui venaient. Et donc même des fois, le prophète sallam se cachait avec certains compagnons pour regarder qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est tout seul ou lorsqu'il est allongé en train de dormir. Et il prétendait connaître des choses que les gens ne connaissaient pas. Quand le prophète sallam il a reçu la sourate Ad-Dukhan, la fumée, il lui a dit « Qu'est-ce que j'ai reçu ?» Il n'a pas été capable de le dire. « Hada ibn Sayyad », certains compagnons ont cru que c'était lui le Dajjal. Il est dit que Ibn Omar, radiallahu anhu, après la mort du prophète, sallam, un jour, il s'est disputé avec lui et il l'a frappé. Et il s'est mis à gonfler. Ibn Omar avait pris peur et il s'est sauvé chez sa sœur, Hafsa, l'épouse du prophète, sallam, la mère des croyants. Et elle lui a dit, tu sais très bien que le Dajjal sortira dans un moment de colère. Si c'est vraiment lui le Dajjal, pourquoi tu l'as provoqué? Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, a fait le voyage avec lui de Médine à Mecca. Et pendant qu'ils voyageaient, ils étaient seuls, il lui a posé la question. Il lui a dit, dis-moi, c'est vraiment toi le Dajjal ou pas? Il lui a dit, ça ne peut pas être moi. Parce que le prophète a dit que Dajjal, il ne rentre pas à Médine et à la Mecque. Et moi, je suis né à Médine et j'habite à Médine. Et je vais avec toi à la Mecque. Abu Sa'id a dit, les phrases, elles m'ont touché. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, mais je peux te dire où est-ce qu'il est. Et il lui a dit, éloigne-toi de moi. Bon. Après, Allahu a'lam, il y a des savants, c'est un khilaf ben ahl al-ilm. Il y a quelques savants qui disent que le Dajjal, c'est Ibn Sayyad. Et comme quoi il a disparu, plus personne ne sait où est-ce qu'il est, et c'est lui qui va revenir. Et beaucoup de savants, ils prennent en compte le hadith de Kinasah Muslim, qui parle, le hadith de Tamim al-Dari, qui parle de ce Dajjal qui est dans la grotte, qui est né, il a vécu bien auparavant, et qui a été enchaîné, et jusqu'au jour où il devra sortir pour terminer sa vie. Wallahu a'lam. Il est dit qu'il s'appelait Abdullah ibn Sayyad, qui se faisait appeler Abdullah, qui était devenu un bon musulman et qu'il est mort dans une bataille. Il y en a qui amènent cela. Wallahu a'lam. À un moment donné, on n'a plus de traces de lui. Wallahu a'lam. Mais en règle générale, les savants, la majorité, ils disent que Ad-Dajjal, c'est celui qui est dans le hadith de Tamim al-Dari, radiallahu anhu. المفردات الفوكابولير الدين الاسلام كله la religion c'est l'islam en entier dans sa globalité tous les enseignements de l'islam quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit الدين c'est tout l'islam اذ مدار الاسلام على هذا الحديث car tout ce qui concerne l'islam tourne autour de ce hadith qui est le conseil النصيحه Kalimatun jami'a, c'est un terme général, global, qui englobe beaucoup de choses. Hiyazatul hadhi lil mansuhi lahu, c'est cette volonté de vouloir le bien pour celui qui est conseillé. Quand tu conseilles, c'est que tu veux du bien à cette personne, tu veux son amélioration. مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. C'est pris du verbe نصح الرجل ثوبه. À la base, les Arabes, ils employaient ce mot pour dire, et de là est venu le mot nasiha. D'accord, le conseiller, c'est lorsque la personne, elle essaie de tricoter son vêtement, lorsque son vêtement il est troué. D'accord. Il essaie de... C'est quoi le mot? De recoudre, barakallahu fikum, de recoudre, d'accord, ce qui ne va pas dans son vêtement. فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. Donc, ils ont fait ressembler celui qui conseille son frère, une personne, comme celui qui recoud le vêtement. Hein? Il y a une chose qui ne va pas dans le vêtement, il essaie de réparer, et c'est comme ça que réagit la personne qui conseille l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la personne, l'autre il lui donne le conseil pour que ça soit réparé. A'immatul muslimin zu'ama'uhum kal-khulafa wal-umara wal-ulama. A'immatu, c'est le pluriel de imam, d'accord ? Celui qui est devant, celui qui a la responsabilité, donc comme l'imam de la mosquée. Ce sont les leaders de la communauté, parmi les califes, les émirs, les savants, les autorités du pays. Et dans l'autorité, d'accord, il y a l'autorité exécutive, hein, ce sont les gouvernants, et il y a l'autorité religieuse, ce sont les savants vers qui on doit retourner pour apprendre notre religion et pour appliquer notre religion. عامتهم, العامة, c'est la masse, c'est le commun des gens. Sa'irul muslimin, le restant des musulmans. On a les autorités et on a le restant des musulmans. Mimman adal a'imma, en dehors des autorités. Al-ma'na al-ijmali, le sens global, général du hadith. Hada al-hadith, azimu al-sha'n, wa min jawami'i kalimi al-rasul al-karim, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un grand hadith qui comporte beaucoup d'enseignements et il fait partie de jawami'u al-kalim qui a été donné à l'honorable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jawami'u al-kalim, ce sont des phrases concises, des paroles courtes, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de lettres. En peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire beaucoup. C'est cette capacité de pouvoir parler peu pour dire beaucoup. Et ça, c'est un don qui a été donné au prophète Mohammed, soit qu'on dit de lui, Outiye Jawami' al-Kalim. Et il lui a été donné ce don-là, cette capacité de concentrer hein, les mots dans une phrase pour dire beaucoup. Comme là, Ad-Dinu al-Nasiha. En deux mots, c'est beaucoup de choses qui se retrouvent dedans. Il y a une traduction spéciale pour Jawami' al-Kalim ? Non ? Vous n'avez jamais vu ? Wa alayhi madaru al-Islam law 'amila afradu al-muslimin wa jama'atuhum bima tadammanahu min ma'ani an-nasiha lanalu sa'adata ad-dunya wal-akhirah wa la'ashu ikhwatan mutahabbin تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة ومنهج واحد لحياتهم. Et les enseignements de l'islam tournent autour de ce hadith. Si tous les membres de la communauté musulmane appliquaient ce hadith et ce que comporte ce hadith comme sens dans le conseil, ils auraient alors acquis, gagné le bonheur de la vie d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Et ils vivraient sur terre comme des frères qui s'aiment en Allah, les réunis, les unis, une même croyance, sous une même bannière, sur une même voie dans leur vie. فالنصيحة لله معناها. Le conseil envers Allah consiste en quoi? الإيمان به سبحانه وتعالى وبكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا إيمانا حقا صادقا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ça consiste à avoir la foi, la croyance en Allah Azza wa Jal. Et tout ce qui nous est rapporté d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et la Sunna. Tous les textes qui nous parlent d'Allah Azza wa Jal. Parmi ses noms élevés et ses attributs sublimes, ou ses noms sublimes et ses attributs élevés, avec une foi véritable, sincère, sans essayer de faire ressembler les noms et attributs d'Allah avec ses créatures, ni les renier, ni les déformer, les altérer, sur la base du verset coranique, dans le sens du verset, rien ne lui est semblable. Rien ne lui ressemble, ne ressemble à Allah Azza wa Jal, et il est celui qui entend et celui qui voit. Donc ça, c'est ce verset, c'est une base. Les mubtadi'a, les sectes égarées, les innovateurs, eux aussi, ils viennent avec ce verset, mais pour défendre leurs innovations. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ses noms et de ses attributs, il nous parle de la main d'Allah, qui nous parle des yeux d'Allah Azza wa Jal, ils disent, si vous dites qu'Allah il a une main ou qu'Allah il a des yeux, vous l'avez fait ressembler aux créatures. Pour eux, c'est une obligation. Tu dis cela, le résultat, il est là. Puis il te ramène le verset. Puis il te ramène le verset. Ils se servent aussi du verset. Alors que le sunnah, ils disent, nous, on ne ramène rien de nous. Allah, tabaraka wa ta'ala, se présente lui-même dans son livre et il enseigne cela à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur homme qui connaît le plus son Seigneur, c'est le prophète qui reçoit la révélation. Personne ne connaît Allah mieux que lui-même, ni mieux que son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc Allah, il nous parle de lui. On prend ce qu'Allah nous a donné comme information. On prend l'information qui nous vient du prophète, alayhi salatu wassalam. De quel droit nous permettons d'aller toucher au texte? Parce que soi-disant, ça contredirait ou ça s'opposerait à ce qu'on a dans notre conception ou notre raisonnement. Depuis quand? C'est les gens qui ont un problème dans leur raisonnement. Si je dis qu'Allah il a une main, obligatoirement elle ressemble aux créatures. Ça, c'est, cette règle-là, elle a été inventée. Les sahabas ne réfléchissaient pas comme ça. Allah il a une main, ils n'ont jamais pensé, ni de près ni de loin, que ça veut dire que ça ressemble à une créature. Ils ne se posaient pas la question. Ils y croyaient, comme Allah l'a dit, comme le prophète l'a dit. Ça s'arrête là. Plus tard, quand des gens sont apparus et commençaient à dire, le fait de reconnaître ce verset ou ce hadith, comme il apparaît, veut dire que c'est venu après. Et là, les ulama de la sunna ont répondu, réfuté ces gens qui ont ramené ces innovations. Les sahaba ont récité, ont entendu la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Ils l'ont récité à maintes reprises. Ils l'ont entendu. Le prophète leur a enseigné le verset. Ils ne l'ont jamais posé la question. Pourquoi? Parce qu'ils croient au verset et jamais ça ne leur a traversé l'esprit de penser que l'istiwa d'Allah ressemble à celui des créatures. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, lorsque l'homme, il était en train d'enseigner à ses élèves, lui a dit, ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa kayf. Il a posé une question qui, à la base, les musulmans ne connaissent pas, ne se posent pas comme question. Et l'imam Malik, rahmallah, lui a dit, je résume le récit, al-istiwa ou ma'loum. Le terme istiwa, il est connu. Dans la langue arabe, c'est un terme qui est connu, le sens. Ou al-kaifu, majhoul. Le comment, il est ignoré. Ou al-imanu bihi, wajib. Et d'y avoir la foi, d'y croire, c'est une obligation. C'est un verset coranique. Et de poser telle question, c'est une innovation. Jamais les gens d'avant n'ont posé ce genre de questions. Alors que le verset, il était récité. Les sahaba n'ont pas posé cette question. Les tabi'in n'ont pas posé la question aux sahaba. Pour que toi, tu viennes aujourd'hui poser cette question, tu as un problème. Et il ordonna à la fin qu'on fasse sortir cet homme de la mosquée pour ne pas perturber les gens, car il a un problème. Il lui a dit, je te vois que comme innovateur. Et il a demandé qu'on l'écarte de la mosquée pour ne pas perturber les gens qui sont tranquilles et apaisés dans leur foi et leur religion. Donc, les gens, ils viennent. Non, on ne peut pas dire qu'Allah est là. Pourquoi ? Parce que du raisonnement. Dans le domaine de la foi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, on ne le voit pas. Lui, il nous voit, subhanahu wa ta'ala. Et on croit en lui, azza wa jal. Allah, il existe et nous, on existe. Jamais on va penser que notre existence ressemble à l'existence d'Allah. Allah, il est le vivant et nous, nous sommes vivants. Mais notre vie ne ressemble en rien à la vie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, il est le clément et nous, on a de la clémence. Mais notre clémence ne ressemble en rien à la clémence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi de suite. Ça, ce sont les innovateurs qui ont perturbé les gens. Ils ont pollué le raisonnement des gens parce que le raisonnement convenable, normal, ne contredit jamais un texte authentique. Un texte authentique se concorde avec le bon raisonnement, avec la saine nature. Mais c'est les gens qui ont un raisonnement pollué, mauvais, qui essayent de trouver des réponses face au texte. Wallahu al-musta'an. Et il vous ramène des règles, mais des règles inventées. Jusqu'à que les règles sont devenues comme des textes sacrés. Alors que les ulama de la sunna nous enseignent, les règles qu'on appelle les règles islamiques ou les règles religieuses sont acceptées tant qu'elles ne contredisent pas les textes. Là-bas, c'est les textes. Et les règles découlent des textes. Donc si une règle ne concorde pas avec les textes, c'est la règle qu'il faut mettre de côté. Et non pas le contraire. Ah, mais le texte, on ne peut pas le prendre. Pourquoi ? Parce qu'il contredit telle règle. Alors, on va essayer de l'interpréter, le texte, pour pas que ça contredit la règle. Tout ça, ce sont des notions d'innovation. Wal'iyadu billah. C'est comme le débat qui date depuis très longtemps entre la raison et la révélation. Qu'est-ce qui prime ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Qui est la balance de l'autre ? Et le Mu'tazila, on dit que c'était le raisonnement. Leurs descendants, leurs héritiers, et aujourd'hui, surtout les frères musulmans, l'élite des frères musulmans, ou ceux qui sont à la tête des frères musulmans, c'est le raisonnement qu'ils ont. C'est la position qu'ils ont, parce que même si on n'emploie plus aujourd'hui le terme Mu'tazila, mais l'idéologie du Mu'tazila, elle existe. Elle existe. D'accord ? Donc, c'est beaucoup le raisonnement. De beaucoup le raisonnement. Ils disent, oui, mais Allah, il nous a donné une raison. On n'a jamais dit le contraire, mais la raison est une créature. Et elle est finie. Et elle est limitée. Vous, vous croyez qu'avec votre raisonnement, vous dépassez les textes religieux. Vous pensez qu'avec votre raisonnement, vous travaillez votre raisonnement, soi-disant, entre guillemets, plus que ne le font les prophètes et les compagnons. Bien sûr. On a un raisonnement. Et il y a une différence entre quelqu'un qui est fou et quelqu'un qui raisonne. Celui qui n'a pas de raison, il n'a pas de responsabilité. Et il est sous la tutelle de quelqu'un, sous la responsabilité de quelqu'un. D'accord ? Et ne lui incombe pas ce qui incombe à la personne qu'Allah lui a doté de raison. Mais la raison, Allah ne te l'a pas donnée pour que tu contredis les textes, pour que tu falsifies les textes, pour que tu altères les textes. Eux, ils ne diront pas le mot altéré, falsifié. Non. Allah dit dans le Coran que les gens d'avant l'ont fait. Yuharrifuna al-kalim. Ils altèrent les paroles. Al-tahrif. Eux, ils vont dire ta'wil. Comme c'est un mot qui passe, donc ils vont. Donc ça, c'est connu, ça. Pour faire passer quelque chose, on lui donne un nom qui n'est pas le sien. D'accord ? C'est comme les soufis avec leur shirk. Quand ils font des actes de polythéisme, ils ne disent pas aux gens, cette action, c'est du shirk. S'ils disent c'est du shirk, les gens lisent le Coran, ils voient bien le mot shirk. C'est pas bon. Ils disent non, c'est du tawassul. Mais pourquoi les autres ils disent que c'est pas bon? Ceux-là, ils sont contre le tawassul. Et on va vous prouver que le tawassul, il existe dans la religion. Allah, il a dit dans le Coran, وَبْتَرُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. Et dans tel hadith, c'est employé. Vous avez vu? Ils disent qu'ils suivent le Coran et la sunna, ils contredisent. Voilà. Les gens, les pauvres sont perdus. Il y en a, il leur faut pas beaucoup. Hein. Une bouteille de Coca-Cola, tu mets une étiquette d'Evian. Non, non, c'est Evian. Et tu vois bien. Oui, non, mais c'est dommage. Et toi, tu lui dis, mais non, regarde bien. L'Evian, c'est de l'eau. L'eau, elle est claire. Là, non, c'est une boisson qui est toute noire. C'est du Coca-Cola. Non, non, c'est marqué Evian. Je veux rien entendre. Voilà, c'est ce qui arrive. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme les gens. J'ai été le voir, je lui ai demandé, il a dit, et que depuis quand quelqu'un va vous dire, c'est vrai, j'ai menti, c'est vrai, j'ai volé, au tribunal, oui, c'est moi qui a fait. Mais non, il faut arrêter de croire. Le faux, on vous le présente toujours sous un emballage, pour un cadeau bien préparé, d'accord, pour qu'il soit attirant, que les gens le prennent. Après, ceux qui font cela, ils le savent, ils ne le savent pas, c'est pas la question. Ils le font intentionnellement ou pas, c'est pas la question. On parle de ce qui se passe, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, qui n'est pas bon. D'accord ? Après, parmi eux, il y en a peut-être qu'ils ont été trompés, eux, ou c'est eux-mêmes qui trompent, et ainsi de suite. Ça, c'est leur problème à eux. Nous, on parle de ce qui contredit la religion, ce qui contredit les textes religieux. Ça, c'est pas facile. Les gens sont perturbés, sont perdus. Parfois, c'est de leur faute, parce que la personne, elle a sa part dedans. D'accord ? Et parfois aussi, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui l'ont amené à ce résultat-là. Donc, il faut faire attention. Donc, ils vous disent tawassul, tawassul. Alors que le tawassul, oui, il existe, le tawassul. Mais il y a le tawassul légiféré, comme il est reconnu dans les textes religieux. Mais ce que vous appelez tawassul, ça, c'est pas du tawassul. Ça, c'est du shirk. Vous l'avez maquillé avec le mot tawassul. C'est comme l'alcool, le vin. Comment ils appellent ça ? Les boissons ? Spiritueux ? Voilà, comme si c'était spirituel. Hein ? Alors que c'est enivrant. Voilà, ils changent. Enfin, en arabe, c'est comme ça. Mashroubat ruhiyya. Mashroubat ruhiyya. Alors que c'est du vin, c'est du khamr. Mais c'est pour faire passer. Hein ? Arriba fa'ida. Arriba, c'est du riba. Mais dans les banques, ils ne disent pas le mot riba. En arabe, ils disent fa'ida. D'accord ? Ils ne disent pas le mot riba. Donc les gens sont perdus. Donc ils ne pensent pas qu'ils ont affaire à ce qu'ils lisent dans le Coran et les hadiths du prophète. Ouais. Donc ça, c'est connu. Le prophète nous a mis en garde de tromper les gens de cette manière. La tartakibu martakabat al-yahoud fatastahillu maharim Allah bi adna al-hiyal. Ne commettez pas le mal qui a été commis par les enfants, par les juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Allah il leur interdisait une chose, hein, ils rusaient pour pouvoir le faire passer. Ils rusaient pour pouvoir le faire passer. Le musulman, il est loin de cela. Tu peux ruser avec les créatures, pas avec le Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Allah sait tout. Tu ne peux pas ruser avec Allah Azza wa Jal. Donc si tu arrives à voir certaines personnes, ils n'ont pas vu la chose réellement, Allah rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Il y avait parmi les enfants d'Israël, les juifs, qui habitaient en bord de mer. On les appelle Ashabu Sabt, les gens du samedi. Hein, vous connaissez les gens du samedi. Allah, il leur a interdit de pêcher le poisson le samedi. Le restant de la semaine, pêcher. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de poisson. Et le samedi, le poisson, il est là. Ça appelle, c'est pas lui qui appelle. Ben alors, venez ou venez pas? Le poisson, il est là. Mais on n'a pas le droit de pêcher. Alors, certains malins, ils ont dit quoi? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le vendredi, avant le Maghreb, parce qu'à partir du Maghreb, on est le samedi, hein, le vendredi soir, on va mettre les filets. On va mettre les filets. Et dimanche, on récupère le filet avec ce qu'il y a dedans. Mais en réalité, c'est le poisson du samedi. Les gens dans le village ou la ville ont discuté. C'est bien, c'est pas bien ce qu'ils font. Il y en a qui disent, oh, on rentre pas dedans, ça ne nous regarde pas. Il y en a qui disent, non, on peut pas. Il faut qu'on leur dise, qu'on les réprimande, qu'on leur dise que c'est pas bon. Allah a fait descendre sa punition sur ces gens-là. Et donc, ils ont été punis, eux, et ceux qui se sont tus, qui ont fait ceux qui n'ont rien vu. Et n'ont été épargnés de cette punition que ceux qui avaient réprimandé, qui leur avaient dit que ceci est interdit, c'est une ruse interdite par Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah les a changés en porc et en singe. C'était la punition qu'ils ont subie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cela. De même qu'Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et n'habillez pas le vrai par le faux, alors que vous le savez. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala met en garde. Ils ont été même plus loin, le livre sacré. Avant, Allah tabaraka wa ta'ala laissait la protection du livre entre les mains des savants de ces peuples. Il se devait, c'était un engagement, de préserver les textes sacrés. Mais pour X raisons, là où ils voyaient leurs intérêts personnels ou de petits groupes, et comme la majorité des gens n'y avaient pas accès, ils faisaient confiance à leurs savants, à leurs autorités religieuses. Donc, il leur arrivait de recopier le texte sacré, mais en enlevant, en rajoutant. Donc, ils touchaient au texte sacré, puis ils venaient vers les gens en leur disant, voilà, ça c'est le livre d'Allah. Et Allah dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leur propre main, puis ils disent ceci provient d'Allah, pour y gagner un vil prix. Malheur à eux pour ce qu'ils ont fait, et malheur à eux pour ce qu'ils ont gagné comme vil prix. Donc, ça, Allah tabaraka wa ta'ala met en garde. Le prophète a.s.w. a mis en garde. Et ce qui a touché les peuples d'avant a touché cette communauté. Et on a dans notre communauté des gens qui ont touché au texte. Il y avait parmi des grands innovateurs qui disaient « Comme j'aurais aimé effacer tel passage du Coran. » Subhanallah. Naam. Ben oui. Il aurait aimé s'il en avait la capacité de toucher. Al-Rawafid, eux, pour eux, ça c'est leur croyance, conviction. Ils disent que le Coran qu'on a, c'est pas le véritable Coran. Donc c'est même plus un passage, c'est le Coran en entier. Il est pas bon. Mais vous l'avez, oui, mais ça c'est une dérogation. Le temps que le vrai Coran revienne. Et le vrai Coran, c'est celui qu'avait gardé Fatima, radiallahu anha. Ça, c'est leur prétention, a'udhu billah. Ça, c'est de la mécréance. Parce que le Coran, à la différence des livres sacrés d'avant, Allah s'est lui-même pris garant de le préserver. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et certes, c'est nous qui allons le préserver et le protéger. Combien ont essayé de le toucher? Ils ne pourront pas. Ni ils n'ont pu le faire, ni ils ne le peuvent, ni ils ne pourront le faire. C'est fini. Il est protégé. Et les Shia disent non. Le véritable Coran, il est 4 fois plus volumineux que celui qu'on a entre nos mains. Et dedans, il n'y a rien de semblable à ce qu'il y a dans celui-là. Wal'iyadu billah. Et ils disent qu'il y a une sourate que le sunnah ont enlevé du Coran, et dedans il est précisé que c'est Ali qui aurait dû prendre le pouvoir après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a même dans les archives, hein, ont été retrouvés des Qur'an écrits dans ce qu'on appelle maintenant l'Iran, en 1800 et quelques, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et dedans, il y a un passage, c'est cette sourate inventée qui a été mise dedans. Qui a été mise dedans. Voilà, l'Iyadu Billah. Qu'Allah leur donne la sentence qu'ils méritent. طيب وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفي الشريك عنه et de d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de renier, de rejeter tout associé qui lui serait donné. Donc l'application, la mise en pratique de la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, que toutes les adorations sont vouées exclusivement, réservé seulement à Allah Azza wa Jal, le seul digne d'être adoré, qui mérite l'adoration, et personne n'est en droit ou ne peut être associé à Allah Azza wa Jal, et tout ce qui est associé à Allah ne sont que des fausses divinités et leur adoration elle est vaine. Wal qiyamu bi ta'ati wa ijtinabu ma'siyati, et d'être obéissant aux ordres d'Allah Azza wa Jal et de s'éloigner de sa désobéissance. Et d'aimer en Allah et de détester en Allah. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. Et de prendre comme alliés ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jal et comme ennemis ceux qui lui ont désobéi. وَجِهَادُ مَنْ كَفَرَ بِهِ, et de combattre ceux qui ont mécru en lui. وَلِعْتِرَافُ بِنِعْمَتِهِ, et de reconnaître, d'être reconnaissant envers ses bienfaits d'Allah Azza wa Jal. وَشُكْرُهُ عَلَيْهَا, et de le remercier, d'être reconnaissant. وَلِخْلَاصُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ لَهُ, et d'avoir de la sincérité dans tout ce qu'on fait pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la base même de l'islam, que de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, la raison pour laquelle Allah il nous a créés et qu'Allah a envoyé les messagers vers leur peuple, et tous les messagers prophètes ont appelé les gens à l'adoration exclusive donnée à Allah Azza wa Jal. Et tous les prophètes se sont acquittés de leur mission et ont enseigné aux gens et à leur peuple et à leurs suiveurs l'adoration d'Allah seul et l'unique. Jamais aucun prophète n'a appelé ou n'a permis qu'on le prenne comme divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les chrétiens, ils adorent Isa alayhi salam, et ils l'invoquent en dehors d'Allah et ils le prient, de même que sa mère la Sainte Vierge Maryam alayhi salam. Et jamais Isa ni Maryam n'ont permis cela ou n'ont demandé cela. Allah nous le dit dans le Coran, que Isa alayhi salam a dit: wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Et certes Allah il est mon Seigneur et il est votre Seigneur, adorez-le, voilà un chemin droit. Donc Isa alayhi salam n'a jamais permis cela, mais ce sont les gens qui ont fait cela après. وأما النصيحة لكتابه, en quoi consiste le conseil envers le livre d'Allah, envers le Coran. فالإيمان بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق, d'avoir la foi, la croyance que c'est le livre d'Allah, la parole d'Allah révélée, descendue, qui n'est pas créée. Et ça aussi, c'est une réponse, une réfutation à la secte des Mu'tazila qui ont éprouvé la communauté musulmane vers le 2e et 3e siècle de l'Égypte, et combien ont été tués et combien ont été torturés. Et l'épreuve de l'imam Ahmad rahmallah est bien connue de tous. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila, lorsqu'ils ont pu se rapprocher de l'autorité du pays, ils ont réussi à propager cette croyance de dire que le Coran, il est créé. Que le Coran, il est créé. Ce n'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Et donc, ils ont imposé cela aux gens. C'était une grande épreuve et c'est une innovation. Le Coran, c'est la parole d'Allah incréée, qui n'a pas été créée. وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Le faux ne le touche pas, ne s'approche pas de lui. لو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولا بعشر سور من مثله بل ولا بصورة من مثله. Et même si les djinns et les hommes tous ensemble, avec leurs moyens, leurs capacités, leurs forces, leur connaissance, leur raisonnement, ils se réunissaient, ils réunissaient toutes leurs forces pour ramener un livre égal, qui égale le Coran, ils ne pourraient pas le faire. Même pas ramener 10 sourates, égaler 10 sourates, même pas une seule sourate. Ils ne pourront pas, c'est un défi. Ils n'ont jamais pu le faire et ils ne pourront jamais le faire. Parce que le Coran, c'est un miracle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est la parole d'Allah. Comme cet homme de Quraysh, qui était un très grand connaisseur de la langue arabe et des poésies arabes. Lorsqu'il a dit, je vais écouter ce qu'il dit, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a entendu réciter le Coran, il est retourné voir les chefs, les leaders de Quraysh. Il leur a dit, j'en ai entendu des poésies dans la langue, j'ai entendu des gens. Mais jamais j'ai entendu quelque chose de semblable à ces paroles. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند التلاوة والذب عنه. Puis de magnifier le Coran. Ce sont les paroles d'Allah, ce sont les paroles les plus élevées. Pas comme les sectes égarées parfois. Il leur arrive de dire, on a par exemple At-Tijaniya en Afrique noire et au Maghreb. Et ils ont une prière qu'ils appellent Salatul Fatih. C'est une dua qu'ils ont inventée, qui n'existe pas dans les hadiths authentiques du prophète sallam. Ils disent que celui qui la récite une seule fois, c'est meilleur que de réciter le Coran 6000 fois. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et de le réciter comme il se le doit, de la meilleure manière. Le Coran, on le respecte. Sa récitation en elle-même, sa lecture en elle-même, c'est un acte d'adoration. Pour chaque lettre, tu as 10 récompenses. Comme a dit le prophète, sallam, من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف. Celui qui récite, qui lit une lettre du Coran, il a 10 récompenses. Il a une récompense. La récompense est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre. Lam est une lettre, Mim est une lettre. Ça, c'est une précision. Hein, pour dire qu'il est bien voulu chaque lettre toute seule. Donc, le Coran, hein, l'histoire n'est pas seulement de le réciter pour le terminer, même à toute vitesse. Cette notion, les premiers ne la connaissaient pas. Les premiers, c'était la qualité. Plus tard, les gens, ils regardent la quantité. C'est ça la différence. Les premiers, ils faisaient attention à la qualité. Quitte même à réciter peu, mais de la meilleure manière, et comme il plaît à Allah Azza wa Jal. Comme il disait les sahabes radhiallahu anhum, nous apprenions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets. On s'arrêtait à 10 versets. Jusqu'à qu'on les apprenne, mémorise, on les assimile, on les a compris et on les pratique. Puis, on allait vers 10 autres versets. Donc, ils apprenaient, d'accord, le Coran et la foi, la pratique en même temps. Donc, Le Coran, ce n'est pas seulement histoire de ouais, je connais le Coran par cœur. Lui il connaît le Coran par cœur. Combien ils connaissent le Coran et le Coran les maudit. Et ils font le contraire du Coran. Le Coran, ce n'est pas pour aller gagner quelques pièces par-ci par-là. Lorsqu'il y a des obsèques, des personnes qui sont défuntes, et la personne elle vient pour rester quelques versets, quelques sourates, pour prendre un petit billet par-ci par-là. C'est pas fait pour ça le Coran. Il y en a beaucoup, ils disent. Oui, il faut que Talba. Chez nous, ils disent Talba, il faut qu'ils viennent. Talba, ça vient de Talaba, hein, les étudiants, ceux qui ont le Coran. D'accord ? Ou on les appelle aussi le Fuqaha. Alors qu'en réalité, ils ne comprennent rien. Hein? Mais voilà, on les appelle Fuqaha. Ils viennent pour manger le couscous et prendre un petit billet par-ci par-là. Voilà. Non, mais c'est dommage que celui qui a le Coran, il est rabaissé à ce stade-là. Le Coran élève les gens. Subhanallah. Au contraire. Comment celui qui a le Coran, il est rabaissé à ce stade-là. Et auprès des gens, c'est une pauvre personne. C'est comme ça. Même des gens qui sont des fois loin de la religion. Ils l'appellent, lui il vient comme ça, tête baissée, récite-nous quelques versets, tiens un billet, va-t'en. Donc c'est eux, des gens parfois même qui sont dans la perversité. Si ce n'est pire, c'est eux hein, qui sont élevés et lui qui est rabaissé. Il vient comme si on appelait quelqu'un pour balayer une pièce. A'udhu billah. C'est pas normal. Tu as le Coran, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà. C'est ça le problème. Les gens ne savent même pas la place du Coran. Subhanallah. Allahu al-musta'an. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه de bien les réciter, bien prononcer les lettres, faire l'effort d'apprendre. On ne parle pas des excès ou de l'exagération. Certains, toute leur vie, ils sont en train de rechercher elle ou la lettre dans la bouche. Non, ce n'est pas ça. Tu apprends chez des gens qui prononcent bien les lettres arabes, parce qu'ils croient dans une langue arabe. La prononciation véritable, c'est celle qu'on retrouve chez les Arabes. D'accord ? Donc, on apprend les lettres. Simplement, il n'y a pas de difficulté. Il y en a, ils pensent que pendant un an, je cherche la lettre, où est-ce qu'elle doit sortir. C'est pas vrai, ça. Et c'est pour cela qu'en général, vous verrez ceux qui sont à fond dans le tajwid, maintenant, pas le tajwid comme il est demandé, mais là, de faire des règles et ainsi de suite. Vous les voyez loin de la pratique religieuse. Ce n'est pas des exemples dans la pratique religieuse. Subhanallah. En eux-mêmes, physiquement, vous le voyez. Ce n'est pas des gens qui sont à fond dans la sunna, qui appliquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pensent que c'est que, comme si Allah il avait révélé le Coran pour passer son temps seulement dans la recherche des lettres, la prononciation des lettres et ainsi de suite. La base, elle est là, elle existe. D'accord, on corrige la prononciation, mais ce n'est pas aussi difficile qu'on nous le fait croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc le tajwid, ce sont des règles pour pouvoir réciter. Les sahaba radhiallahu anhum n'avaient pas besoin de connaître ces règles-là. Des règles comme nous, on les connaît. Comme les règles de la grammaire arabe, ils n'en avaient pas besoin. Ils la pratiquaient déjà. Et ils entendaient le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le prenaient comme lui, il leur a récité. Et puis eux, ils le donnaient aux tabi'in. Ça, c'est la meilleure façon, c'est de prendre directement d'une personne qui a la récitation du Coran. D'accord ? Mais ce n'est pas comme on le fait croire que la personne, pendant un mois, il est sur une lettre. Il faut retourner aux salafs et regardons est-ce qu'ils avaient cette façon de faire. Alors qu'à l'époque des salafs, des peuples non arabes entraient dans l'islam, des personnes qui ne connaissaient pas la langue arabe, qu'ils avaient des langages où des lettres n'existaient pas. Parce que des fois, d'une langue à une langue, il y a des lettres qui diffèrent. Subhanallah. Donc, jamais. C'est comme aussi la phonétique. La phonétique. Jamais on n'a retrouvé de phonétique à l'époque. Et les gens entraient dans l'islam en nombre et ils apprenaient l'arabe, ils apprenaient le Coran sans phonétique. Sans phonétique. Encore de la phonétique dans des mots arabes et ainsi de suite. Bien que ce n'est pas une méthode. La phonétique, c'est pas une méthode. Mais maintenant, ils ont fait la phonétique dans le Coran. A'udhu billah. C'est impossible de lire le Coran avec la phonétique. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible de donner un Coran avec la phonétique à quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe et il va prononcer comme on prononce en arabe. C'est impossible. Le Fatiha, tu la donnes à quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe et tu vas lui écrire, tu vas faire l'effort de mettre les lettres. Et bien lui va dire quoi ? Al-hamdu lillahi. C'est comme ça qu'il va le lire. Il ne peut pas dire Al-hamdu. Le ha n'existe pas en français. Lui, il voit un H, le H, il est muet en français. Ça n'existe pas. Il n'y a que quelqu'un qui connaît un peu l'arabe, qui a la phonétique, il sait qu'ici, le H, il veut dire le ha. C'est tout. Mais quelqu'un qu'on lui donne la phonétique, il ne peut pas. Donc, il va pendant, je ne sais pas combien de temps. Voilà. Et même celui qui connaît un peu l'arabe, il fera des fautes dedans. Parce qu'on ne peut pas remplacer certaines lettres. On ne peut pas. Subhanallah. Donc, il y a des erreurs commises. Donc, et ça, beaucoup de savants ont interdit d'écrire le Coran en phonétique. L'interdiction. Le Coran, il a été révélé dans une langue arabe. Et il reste dans la langue arabe. Même l'écriture du Coran, elle ne s'écrit pas comme on écrit les dictées en arabe. L'arabe moderne, il y a des mots, on les écrit d'une certaine manière. Et bien, vous remarquerez dans le Coran, et bien non. Le Coran, on le laisse comme il était écrit au début. Subhanallah. On appelle ça le Khat al-Uthmani. Comme lorsqu'il a été compilé par Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, à l'époque de Uthman, le calife. Quand il a mis tout le monde d'accord sur le Mus'haf pour pas qu'il y ait de divergence. Après, bien sûr, on a rajouté les points pour différencier un ba d'un ta d'un tha, un jim d'un ha d'un kha, d'un dal d'un zal, de ra, de zay, d'accord, du fa, du qaf. Il y a des lettres, les points c'est pour les différencier. Puis on a mis les voyelles pour savoir où est-ce qu'il y a la fatha, où est-ce qu'il y a la kasra, où est-ce qu'il y a le dhamma, où est-ce qu'il y a le sukun. On a mis. D'accord ? Mais les lettres, l'écriture d'elles, on l'a laissée comme telle. Subhanallah. Et même dans ceux qui sont spécialisés dans le Coran, ils apprennent même l'écriture même du Coran comme il était à l'époque. Ils savent le retranscrire exactement comme. Pas comme lorsqu'on écrit l'arabe aujourd'hui. Il y a des fois des différences. وإقامة حروفه عند التلاوة. Parce que pour lire l'arabe, c'est pas difficile. L'alphabet, il y a 28 lettres. Un enfant, on peut prendre du temps. On prend du temps avec un enfant. D'accord ? Une lettre par-ci, par-là, et puis. Un adulte, il peut apprendre 3, 4, 5, 6 lettres dans un seul cours. C'est un adulte qui, en plus, s'il a de la volonté, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en quelques cours, il a les 28 lettres de l'alphabet. Il apprend comment elles s'écrivent en début de mots, en milieu de mots, lorsqu'elles sont toutes seules. Il n'y a pas de minuscule voyelle en arabe. La notion de minuscule voyelle, ça n'existe pas en arabe. Donc, on a la lettre toute seule et on a la lettre dans un mot. Et dans le mot, on a le début, le milieu et la fin. D'accord ? On apprend ça, subhanallah. Puis on apprend les voyelles. On apprend à les prononcer avec les voyelles. Puis on a les longues voyelles, le waou, le ya et le alif. On apprend, subhanallah. Et puis, après, tout doucement on avance. Voilà. C'est... Déjà avec la lecture, tu peux lire le Coran. Oui, mais je veux le lire lentement. Il est où ton problème ? Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi cette précipitation ? Tu veux d'aujourd'hui tu étais là et demain tu veux être là. C'est pas possible. Les escaliers, il faut les monter marche par marche. Celui qui saute, on ne sait pas comment il va se retrouver. On ne sait pas. Et on ne sait pas s'il sera en entier. Hein ? Pourquoi ? Marche, marche, doucement. La science, elle s'acquiert de cette manière-là, tout doucement. Celui qui prend toute la science en une seule fois, elle disparaît de lui en une seule fois. Et passe. On avance tout doucement. Et là, en peu de temps, la personne, déjà, elle ne comprend pas, mais elle peut lire le Coran. Cette adoration, il peut l'accomplir. Il peut lire le Coran. Ça te prend du temps et c'est dur pour toi. T'as pas de problème. Allah, il te donne ta récompense deux fois. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Celui qui lit le Coran et le Coran, il est difficile pour lui. Allah lui donne sa récompense doublement. Donc, alhamdoulilah, tu es récompensé pour ta lecture et pour l'effort que tu accomplis. Alhamdoulilah. Ah, mais lui, il a déjà terminé. Mais pourquoi tu regardes si lui, il a terminé ou pas terminé? Pourquoi c'est pas... Voilà. Vous comprenez? Il est là, le problème. Regarde ta lecture. Et si tu te mets à regarder le livre, ah, j'en suis que là. Oh là là, il en reste beaucoup. Je n'ai pas terminé. Non. Cette fois, si on fait ça, on n'arrivera pas. On va tout laisser tomber. N'est-ce pas? Voilà. Non. Tu regardes ce que tu as. Mieux vaut peu et constant que beaucoup puis délaissé. De prendre sa défense du Coran. On ne laisse personne toucher au Coran, ni essayer de lui donner un sens qui n'est pas le sien, ni essayer de l'altérer, ni essayer de le déformer, comme ils le font certains sectaires. Et والتصديق والذب عنه برد تأويل المحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين والتصديق بما فيه. Et de reconnaître ce qu'il s'y trouve. Toutes les informations qui sont dans le Coran, on les reconnaît et on les affirme. والوقوف مع أحكامه. Et on s'arrête à ses jugements et à ses lois. وتفهم علومه وأحكامه. Et on essaie de comprendre, de méditer sur ces les lois qui s'y trouvent, les jugements qui s'y trouvent, les exemples qu'Allah nous donne dans le Coran, ses limites, et de méditer aussi sur les exhortations et les rappels qui s'y trouvent, et de réfléchir sur les étonnantes choses qui s'y trouvent. والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه. Et de pratiquer les textes qui ne prêtent pas équivoque et de se plier, se soumettre face aux textes qui ne prêtent pas équivoque. والبحث في ناسخه ومنسوخه. Et aussi d'essayer de connaître l'abrogeur et l'abrogé. Dans les textes, on a des fois des textes qui ont été abrogés par d'autres textes. Ça, c'est une science que les gens, les ulama étudient pour savoir, parce que des fois, il y a un texte. On n'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il a été abrogé par un autre texte. Ce qu'on appelle un nasr ou un mansour. C'est une science. L'abrogeur et l'abrogé. Et de propager ces sciences, les sciences du Coran. Et d'appeler vers le Coran. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru